te mène belle au cas où te mène. Quel garçon que me mène me promène. Quel garçon que me mène pel buisson. Quel garçon que me mène me promène. Quel garçon que me mène pel buisson. Lo mario plus lo lobe mai. Sono mollo qui te nante un rozzo mai. Lo mario plus lo lobe mai. Sono mollo qui te nante un rozzo mai. Dotti e sporti. Enna portant lo bello e di son commi a truno consu. Dotti e sporti, enna portant lo bello e di son commi a truno consu. Cautemen bello, cautemeno, cautemen bello, cautemeno. Quello garçu che me mene me promeno, quello garçu che me mene pel buisso. Quello garçu che me mene me promeno, quello garçu che me mene pel buisso.